الحمد لله إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. on est arrivé donc aujourd'hui au cours numéro 43 dans le livre عقيدة أهل السنة والجماعة et le شرح de ce livre شرح عقيدة أهل السنة والجماعة de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Et on est toujours dans l'explication des noms et des attributs d'Allah par rapport à la foi en Allah, et on est dans un point qui est spécifique à la croyance en les noms et les attributs, en particulier l'attribut de al-istiwa, istiwa Allahi ala arshi, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-dessus de son trône. Et Cheikh, on est arrivé au point où le Cheikh il explique maintenant. Il dit: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ. Donc là on va parler de qu'est-ce qui a rapport avec le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, même lorsqu'il est au-dessus de son trône, il est en même temps avec sa créature. Il est avec sa création. Et on va comprendre qu'est-ce que ça signifie, les détails de ça. C'est-à-dire, il est avec sa création par sa science. Hein? Il est avec nous par sa science, par sa vue, par son ouïe. Hein? Donc le Cheikh, il explique ça. Il dit: وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَى مَعَ خَلْقِهِ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ وهو على عرشه يعلم أحوالهم يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم ويرزق الفقير ويجبر الكسير يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. Donc ça c'est le point que le Cheikh il explique maintenant, ce qui signifie: et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé sur son trône et qu'il est avec ses créatures par sa science, il connaît leur situation et leur état, il entend leurs paroles, il voit leurs actes, il gouverne leur vie, il pourvoit à la subsistance du pauvre et il assiste le faible, il accorde l'autorité à qui il veut, il retire l'autorité à qui il veut, il rend puissant qui il veut et il humilie qui il veut. Tout le bien se trouve dans sa main et il est capable de toute chose. Naam. Il est capable de toute chose. Et naam. Et puis ensuite, il dit: من كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. C'est-à-dire, par conséquent, celui qui est en accord ou qui correspond à cette description est bel et bien avec ses créatures, réellement avec ses créatures, même si en même temps il est réellement au-dessus d'elle et au-dessus de son trône. Et il dit: rien ne lui ressemble et il est celui qui est audient et voyant, c'est-à-dire il entend tout et il voit tout. Et il dit ensuite: ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. Il dit: et nous ne disons pas ce que disent les Hululiyya parmi les Jahmiyya et autres. Al-Hululiyya, c'est ceux qui pensent que Allah est mélangé avec sa création. Parmi eux, les Jahmiyya, et autres, comme les soufis, certains extrémistes parmi les soufis, qui prétendent que Allah est mélangé avec sa création et qu'il est avec ses créatures sur terre. Et nous considérons quiconque affirme une telle chose comme étant mécréant ou égaré, car il a décrit Allah d'une manière qui ne lui convient pas, en lui attribuant des imperfections et des défauts. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas attribuer à Allah une quelconque imperfection. D'accord. Donc, ayant dit ça, maintenant on va lire l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen de chacun des points qu'on vient de lire et d'expliquer. Donc le Cheikh il dit: قوله ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه لما ذكر علوه سبحانه وتعالى الذات والوصف ذكر استواءه على العرش وهو علوه على عرشه عز وجل على صفة لا يعلمها إلا الله ذكر المعية وذلك لأن الإنسان قد يشكل عليه الجمع بين العلو والمعية وكذلك القرب فقال نؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه قوله وهو على عرشه جملة حالية فالمعية في اللغة العربية كلمة تقتضي المصاحبة فقولنا مع كذا أي مصاحب له وهذه المصاحبة تختلف باختلاف مواردها وبحسب القرائن والسياق فتفسر في كل موضع بحسبه. Donc le cheikh il dit, et nous croyons, lorsqu'il dit dans le texte du livre que nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création et qu'il est sur son trône, hein, et qu'en même temps il est avec sa création, il dit, lorsque on a mentionné le fait que Allah est élevé par son être et qu'il est élevé également dans ses attributs, il a mentionné également qu'il est élevé au-dessus de son trône, et c'est le fait qu'il est élevé au-dessus de ce trône et que c'est une de ses attributs, et il est élevé au-dessus de son trône d'une manière que seul Allah connaît. Et bien ensuite il a mentionné aussi le fait qu'il est avec sa création, parce que parfois les gens peuvent comprendre ou voir une contradiction ou trouver que c'est un problème d'attribuer l'élévation d'Allah sur sa création puis de dire qu'il est avec sa création en même temps. Certaines personnes peuvent voir en ça quelque chose qui se contredit. Alors le cheikh il explique cette question là et il dit, et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala est avec sa création alors qu'il est sur son trône. Et quand on dit il est sur son trône, ça c'est une phrase qui vient rajouter une clarification et qui implique que Allah subhanahu wa ta'ala il est avec sa création dans le sens qu'il est avec sa création comme il l'explique le cheikh. Il dit que هذه تقتضي المصاحبة. Quand on dit en arabe ma'a, le terme ma'a, ça veut dire qui accompagne quelque chose. Hein? Quelqu'un est avec quelqu'un, ou quelque chose est avec quelqu'un, ou quelqu'un est avec quelque chose, ça veut dire qui accompagne quelque chose. Mais cet accompagnement peut être différent selon le contexte. Ça peut avoir une signification différente selon le contexte et selon les choses qui sont reliées dans la phrase et dans le sujet et dans le contexte duquel on parle. Et on pourra donc l'interpréter, cette signification de l'accompagnement, selon la situation et selon le contexte aussi. Et donc, il va donner des exemples. Il dit, فَمَثَلًا إِذَا قُلْتَ خَلَطْتُ الْمَاءَ مَعَ اللَّبَنِ فهذه معية معية امتزاج فيمتزج أحدهما في الآخر ويختلط حتى لا يتميز واحد عن ثان. وإذا قلت الزوجة مع زوجها فهذه مصاحبة ومقارنة، ولكن لا يلزم الاختلاط ولا الالتساق ولا الحلول في مكان واحد، بل ربما تكون الزوجة في المشرق والزوج في المغرب، ويقال القائد مع الجند، مع أنه في غرفة العمليات يوجه والجند في ميدان القتال وبينهم مسافة، فبينهم مسافة ومع هذا يقال معهم. Donc le cheikh il dit par exemple, si je dis je mélange l'eau avec le lait, il dit ça c'est un accompagnement qui implique un mélange total, un mélange complet, une solution. Hein? Quand on mélange du lait avec de l'eau, qu'est-ce qui arrive? Les deux se mélangent de telle manière que tu peux même plus distinguer à la fin l'eau du lait, parce que les deux deviennent un seul liquide, comme une solution. Puis après, tu peux plus les séparer. Et donc, cet accompagnement ou cette façon d'utiliser le terme avec, ma'a, ici, c'est dans le sens du mélange complet. Un autre exemple qu'on peut mentionner, c'est que le cheikh il cite, c'est l'homme est avec sa femme. L'homme est avec sa femme. Ici, c'est dans le sens de l'accompagnement et lorsque quelqu'un accompagne sa femme et il est avec sa femme, hein, en sa compagnie. Et donc il dit ça c'est un accompagnement qui n'implique pas le mélange ou la fusion ou le mélange complet entre les deux. Chacun garde son entité, son identité, et il n'y a pas de fusion entre les deux. L'homme il reste lui-même, la femme reste lui-même, les deux ils se mélangent pas ensemble, mais on dit quand même qu'il est avec, hein? L'homme est avec sa femme. Ça veut, même s'ils sont séparés, on dit toujours un homme est avec sa femme. Même s'ils ne sont pas à la même place parfois. Un peut être à l'est et l'autre à l'ouest. Puis on va dire il est avec sa femme dans ses pensées, hein, ou bien dans des choses de ce genre. Ou bien on peut dire aussi, comme le cheikh il mentionne comme exemple aussi, le commandant est avec son armée. Le commandant est avec son armée. Et le cheikh il dit peut-être que le commandant il est dans la salle de contrôle, hein, là où il observe qu'est-ce qui se passe à distance et il fait les stratégies, il organise le combat et la stratégie, tandis que le soldat lui, hein, les soldats eux sont sur le terrain de bataille, le champ de bataille, en train de combattre. Mais on dit quand même que le commandant est avec son armée. Pourquoi on dit qu'il est avec? Il est avec, même s'il n'est pas avec eux, parce qu'il les supporte. Hein? Il les encourage, il les oriente, il les guide. Hein? Il leur donne les ordres, et ainsi de suite. Donc, on peut utiliser avec dans ce sens-là aussi. C'est un accompagnement, mais ce n'est pas nécessairement un accompagnement qui est physique. C'est-à-dire, ça n'implique pas une présence ou un mélange ou un contact physique quelconque. Hein? Et il dit وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ يَقُولُونَ مَا زِلْنَا نَسِيرُ وَالْقَمَرُ مَعَنَا فَهُمْ يَسِيرُونَ فِي الْأَرْضِ وَالْقَمَرُ فِي السَّمَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ يَقُولُونَ إِنَّهُ مَعَنَا. Il dit même que plus que ça encore, si tu veux donner un exemple de comment on peut employer le terme avec dans le sens de l'accompagnement, et que ça peut être quelque chose qui est complètement éloigné de toi. Les Arabes disent, hein, la lune continue de nous suivre, où la lune continue de marcher avec nous. Elle marche avec toi, la lune. Toi, tu avances et la lune te suit. Elle est avec toi, la lune. Pourtant, la lune est dans, à des kilomètres. Hein? Je me rappelle, même des fois, quand j'étais petit, des fois, je prenais l'autobus ou bien j'étais en voiture, puis je regardais la lune. J'avais toujours l'impression que la lune, elle marche avec moi, elle me suit. J'avais comme si elle me suivait. Hein? Je disais à ma mère, regarde la lune, elle nous suit. Hein? Elle avance en même temps que nous. Subhanallah. Donc, on dit, elle est avec nous, malgré qu'elle n'est pas physiquement avec nous. Hein? Donc, c'est ça, c'est un autre exemple. Et le Cheikh dit, فَتَبَيَّنَ الْآنَ أَنَّ الْمَعِيَّةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْإِخْتِلَاطِ وَلَا الْحُلُولُ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَإِنَّمَا تُفَسَّرُ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ وَالْقَرَائِنُ فَنَحْنُ نُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ نَفْسَهُ مَعْنَا حَقِيقَةً وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ فِي السَّمَاءِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ إِيمَانِنَا بِأَنَّهُ مَعْنَا حَقِيقَةً أَنْ يَكُونَ مُشَارِكًا لَنَا فِي الْمَكَانِ أَبَدًا وَإِذَا كَانَتِ الْمَعِيَّةُ بَيْنَ الْمَخْلُوقَاتِ لَا تَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ فَالْمَعِيَّةُ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Donc le cheikh il dit, donc on peut comprendre clairement maintenant, et on a clarifié, que le fait d'être avec quelqu'un ou quelque chose, ça n'implique pas un mélange, ça n'implique pas une fusion, ou le fait d'être dans le même endroit ou à la même place, et que cela doit être expliqué et compris selon le contexte et selon les indices qui sont présents dans la phrase et dans le texte. Et donc le cheikh il dit, donc nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala est lui-même avec nous en réalité. Il est réellement avec nous, mais il est en même temps sur son trône, dans les cieux, au-dessus des cieux. Et cela, le fait que nous croyons que Allah est avec nous réellement, ça n'implique pas qu'il soit mélangé avec nous ou présent avec nous dans le même endroit où nous sommes. Hein? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Donc, si le fait d'être avec, le fait d'être avec les créatures n'implique pas le fait d'être mélangé avec elles et d'être associé avec elles, donc le fait que nous disions que même les êtres humains entre eux, même les créatures entre elles, quand on dit une créature est avec une autre, ça n'implique pas nécessairement qu'elle soit mélangée ou fusionnée ou à la même place. Donc c'est la même chose aussi quand tu dis que le créateur est avec sa créature, ça n'implique pas non plus et encore moins que le créateur soit mélangé avec sa créature au même endroit et à la même place. Hein? Et le cheikh dit, فَنُؤْمِنُوا بِأَنَّ اللَّهَ مَعْنَا وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَانظُرْ إِلَى هَذِهِ الضَّمَائِرِ تَجِدُ أَنَّهَا تَعُودُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أي الله نفسه ثم استوى على العرش أي الله نفسه يعلم ما يلج في الأرض أي الله نفسه وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها أي الله نفسه وهو معكم أينما كنتم أي الله تعالى والله بما تعملون بصير. إذن كل الضمائر تعود إلى الله تعالى. Le Cheikh il cite un verset qui est le verset 4 dans sourate Al-Hadid. La sourate Al-Hadid, on va lire la traduction du sens de ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ce qui signifie, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Hein? Et le cheikh, il dit, tous les pronoms qui sont employés dans ce verset, il parle d'Allah. Tous les pronoms qui sont employés dans ce verset, il représente Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit c'est lui, donc ça veut dire c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis il s'est élevé sur le trône, ça c'est Allah. Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, encore une fois c'est Allah lui-même. Et il sait ce qui descend du ciel et ce qui y monte. Encore une fois, il parle d'Allah lui-même. Et il est avec vous où que vous soyez. Il parle encore une fois d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites. Ce que vous faites. Donc il sait, hein, il est avec vous où que vous soyez. Donc il est avec nous, hein. Et en même temps, il dit juste avant qu'il est sur le trône. Il s'est élevé sur le trône et il est avec nous où que nous soyons. Donc tous les pronoms qui sont mentionnés dans le verset parlent d'Allah seulement. Et donc, ça veut dire que nous devons croire qu'Allah est élevé sur le trône et qu'il est avec nous aussi en même temps. Et il dit « وَإِذَا عَرَفْنَا أَنَّ الْمَعِيَّةَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْإِخْتِلَاطُ وَالْإِمْتِزَاجِ وَلَا يَسْتَلْزِمُ وَلَا تَسْتَلْزِمُ الْحُلُولُ فِي الْمَكَانِ علمنا أن معية الله لخلقه معية حقيقية ولا تحتاج إلى أن تفسر بشيء آخر فهي معية حقيقية ولكنه لا يلزم منها أن يكون الله معنا في المكان كما قالت الجهمية بل هو معنا وهو على عرشه وقد سبق أن العرب من أسلوبها أن تقول القمر معنا وهو في السماء ولا يعدون هذا تناقضا ولا يعدونه خروجا عن مقتضى المعنى الذي تفيده المعية ولا حاجة إلى أن تحرف كما قال ابن تيمية رحمه الله في الواسطية في العقيدة الواسطية أنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. ومراد شيخ الإسلام بالتحريف إخراج الكلام عن ظاهره ولا دليل على وجوب إخراجه عن ظاهره بل نقول يجب أن يصان عن المعنى الباطل الذي لا يدل عليه وهو أنه مخالط لنا في المكان أو ممتزج بنا فإن هذا مستحيل. Donc le cheikh il dit, et si nous avons su maintenant, hein, en comprenant cela, nous savons maintenant que le fait que Allah soit avec nous, ça n'implique pas qu'il soit mélangé ou qu'il soit fusionné avec nous, et ça n'implique pas non plus le fait que Allah soit en nous-mêmes ou dans le lieu ou dans l'endroit où nous sommes. Et il dit, nous savons donc que Allah, subhanahu wa ta'ala, est avec ses créatures d'une manière qui est réelle. Et on n'a pas besoin de l'interpréter par quelque chose d'autre. Parce que c'est un accompagnement qui est réel. Mais ça n'implique pas du tout qu'il soit dans l'endroit lui-même. Contrairement à ce que prétendent les Jahmiyyah, qui disent que Allah est partout et dans tout et en toutes choses. Hein, ils disent que Allah est partout et tout. Et même les y en a qui vont plus loin que ça, comme les gens de Wahdatul Wujud, ils disent que tout est Allah et que Allah est tout. Allah al-Musta'an. Et donc le Cheikh il dit, on a expliqué que même les Arabes avant et encore aujourd'hui dans la langue arabe et même en français on dit ça aussi. La lune est avec nous et on avance et la lune marche avec nous aussi, alors que la lune est dans le ciel et nous on est sur terre. Et on ne considère pas, les Arabes n'ont jamais considéré ça comme étant une contradiction. Et ils n'ont pas non plus considéré que c'était un emploi du terme avec qui sort de qu'est-ce qu'implique le terme avec, hein, dans la langue. Et donc on n'a pas besoin de déformer le sens de la phrase et de l'interpréter d'une manière qui est contraire à son sens apparent. Comme le Cheikh Ibn Taymiyyah l'a expliqué dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyah, il a dit, il est avec nous, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est réellement avec nous, et on n'a pas besoin de le déformer, hein, de falsifier ou de déformer le sens de ce que cela signifie. Qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah veut dire ici par le fait de déformer, hein, at-tahrif? Il veut dire faire sortir la parole de son sens apparent. Et il dit, il n'y a aucune preuve ici qui indiquerait l'obligation de faire sortir le mot ou l'expression de son sens apparent. Et nous disons plutôt, il est obligatoire de protéger la signification, hein, de ce verset et de le préserver des interprétations qui sont fausses et qui ne sont pas du tout indiquées par ce que signifie le verset. C'est-à-dire de penser que Allah serait mélangé dans un lieu ou dans une chose ou dans sa création ou des choses de ce genre, puisque cela est impossible. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa création, comme on l'a dit. وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ السَّمَاوَاتَ السَّبْعَ وَالْأَرَاضِينَ السَّبْعَ في كفه كخردلة في كف أحدنا أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة والطبري في التفسير فمن كان هذا شأنه فإننا لا نحيط به عز وجل ويجب علينا أن نؤمن بما وصف به نفسه فنقول هو فوق السماء حقيقة ومعنا حقيقة كما وصف نفسه. Et donc le cheikh, il dit qu'il a été mentionné de la part de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les sept cieux les sept terres sont dans la main d'Allah comme une graine de moutarde dans la main de l'un d'entre nous. Les sept cieux et les sept terres sont dans la main d'Allah comparables à une graine de moutarde dans la graine de l'un d'entre nous. Hein? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui est plus grand que lui, et que toute la création tout entière, elle n'est qu'un grain de sel, hein, par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport à, hein, notre main à nous. Quand tu mets un grain de moutarde dans ta main, hein, et bien ça c'est comparable à Allah subhanahu wa ta'ala s'il met les sept cieux et les sept terres dans sa main, eh bien, c'est comparable à ça pour lui. Une graine de moutarde dans la main de l'un d'entre nous. Donc, ça veut dire que tout ça, c'est infiniment petit pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, on ne peut pas le cerner de notre connaissance ou de notre compréhension. Hein? Et il est obligatoire pour nous de croire en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même et de dire, comme Allah l'a dit lui-même, qu'il est au-dessus des cieux réellement et qu'il est avec nous réellement aussi comme il s'est décrit. Il dit وَإِذَا أَمَنْتَ بِأَنَّ اللَّهَ مَعَكَ يَعْلَمُكَ وَيُشَاهِدُكَ وَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْوَالِكَ حينئذ يقوى خوفك من الله عز وجل ويتم لك مراقبة الله عز وجل لأنك لو كنت في حجرة مظلمة ليس عندك أحد تقول الله عز وجل معي وهو على عرشه فتخشاه وتخافه ولا تفعل شيئا يغضبه سبحانه وتعالى. Donc il dit, lorsque tu crois que Allah est avec toi et qu'il te connaît et qu'il est témoin de ce que tu fais, il t'observe, hein, donc tu vas avoir peur de lui dans toutes les situations et dans tous les lieux, peu importe où tu es et ce que tu fais. alors à ce moment-là, tu vas avoir une foi et une crainte encore plus forte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il te surveille, il t'observe. Même si tu es dans une pièce, hein, dans laquelle il fait noir, hein, il n'y a personne avec toi, mais tu sais que Allah, lui, il est avec toi. Même s'il est au-dessus de son trône, il te voit, il t'observe, il sait ce que tu fais. Hein, et donc, dans ce cas-là, tu vas le craindre. Hein, et tu auras peur de lui désobéir, hein, et de faire quelque chose qui amène sa colère. Donc, c'est un exemple. Et il dit, « وَقَوْلُهُ مَا خَلْقِهِ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ نَقُولُ مَا خَلْقِهِ حَقِيقَةً لَا مَجَازًا وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ حَقِيقَةً وَلَا تَنَاقُضُ لأن هذا جائز في حق المخلوق ففي حق الخالق من باب أولى لأنه على فرض أنه لا يجوز في حق المخلوق أن يكون الشيء عاليا شاهقا للعلو وهو معك فإنه جائز في حق الله لأن الله تعالى لا يقاس بخلقه. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, comme le cheikh il a dit dans le texte, il est avec sa création et il est sur son trône. Et le cheikh il dit, nous disons avec sa création réellement et non de façon symbolique et non de façon allégorique, non, c'est de façon réelle. Il est réellement avec sa création et en même temps il est sur son trône réellement aussi. Il n'y a pas de contradiction entre les deux choses parce que cela est possible, hein, cela est possible. On peut dire ça pour les créatures. Alors si on peut le dire pour les créatures, on peut encore plus le dire pour le créateur. Dans quel sens? Dans le sens que on peut dire que la lune est avec nous. On peut dire la lune est avec nous lorsque on marche la nuit et que la nuit et qu'on regarde la lune. La lune est dans le ciel et quand on avance, on dit ah la lune est avec nous ou la lune avance avec nous. On peut dire ça à propos des créatures. D'une créature. Donc, dans ce cas-là, on peut encore plus le dire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans que ça implique quoi que ce soit de mélange ou de présence, hein, mélangée avec sa créature. Et le cheikh, il dit ensuite, « Yakuna shay alien » Il dit, si par exemple on disait que ce n'était pas possible pour une créature d'être élevée au-dessus des autres et avec la créature en même temps. Si on suppose que ça ne se pouvait pas, ou que ce ne serait pas possible, hein? Mais dans ce cas, malgré tout, on dirait, en ce qui concerne Allah, c'est possible. Parce qu'on ne peut pas comparer, et on n'a pas à comparer, et à faire des analogies entre Allah et sa création. Si les créatures, pour les créatures, ce n'est pas possible, cette chose, qu'elle soit au-dessus d'une autre et qu'elle soit en même temps avec celle-ci. Mais ça, c'est par rapport aux créatures. Mais pour le créateur, c'est possible. Il peut être au-dessus de sa création et en même temps être avec elle. Il dit, « وَلِهَذَا وَعَلَى هَذَا فَإِنْ قَالَ قَائِلْ كَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْعُلُوِ وَالْمَعِيَّةِ قُلْنَا يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا من وجوه ثلاثة. Si quelqu'un nous pose la question, ok d'accord, vous dites que ce serait possible quand même par rapport à Allah qu'il soit au-dessus de sa création et qu'il soit avec elle en même temps, comment on peut réunir ces deux choses-là ensemble? Le cheikh il dit on peut les réunir de trois façons ou de trois points de vue. الوجه الأول أن الله تعالى وصف نفسه بهما بأنه عال وبأنه معنى ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين شيئين متناقضين أبدا فالجمع بينهما يدل على إمكان اجتماعهما لأن المتناقضين لا يمكن اجتماعهما والله قد وصف نفسه بهذا وهذا. فقال تعالى ثم استوى على العرش، وفي آخرها قال وهو معكم. فإذا كان الله قد جمع بينهما لنفسه دل على عدم التناقض، لأنه لا يمكن الجمع بين النقيضين. Donc le Cheikh dit, le premier point de vue, comment on peut réunir ces deux choses, que Allah est au-dessus de sa création et qu'en même temps il est avec celle-ci, c'est de dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui-même qui s'est décrit par ces deux caractéristiques-là et par ces deux attributs-là. Il a dit dans le même verset qu'il est au-dessus de son trône et en même temps qu'il est avec nous où que nous soyons. Et donc ça veut dire que c'est pas possible que Allah subhanahu wa ta'ala réunisse ces deux caractéristiques dans le même verset et que ce soit deux choses qui soient contradictoires. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'on réunit deux choses contradictoires ensemble et c'est d'affirmer une chose et son contraire, et ça c'est pas possible. Hein? Allah il va pas réunir deux choses alors que les deux choses sont impossibles. Hein? Une peut pas être vraie en même temps que l'autre. Donc le Cheikh Hidan il explique, il dit, donc ça c'est la preuve que de réunir ces deux choses là ensemble c'est possible pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que sinon ce serait deux choses qui se contredisent l'une l'autre, et ça dans ce cas là on ne pourrait pas les réunir. Et si Allah s'est décrit par ces deux choses, hein, le fait d'être au dessus de sa création et le fait d'être avec sa création, eh bien, hein, il dit au début du verset ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, et à la fin du verset il dit وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, il est sur le trône, et en même temps à la fin du verset il dit il est avec vous où que vous soyez. Et donc ça c'est la preuve qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux et que c'est possible pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point de vue, comment on peut réunir entre ces deux choses, c'est que la première chose il dit الْعُلُو لَا يُنَافِ الْمَعِيَّةِ ولهذا كان من أساليب العرب أنهم يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا أو ما زلنا نسير والنجم الفلاني معنا كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية وكما ذكره في الفتوى الحموية وغيرهما من كتبه. Donc le Cheikh il dit, la deuxième façon de répondre à ça, comment on réunit entre ces deux choses, le fait que Allah soit au-dessus de sa création et qu'il soit en même temps avec sa création, c'est que ça fait partie même des expressions des Arabes de dire nous avons marché et la lune est avec nous. Hein? Ou bien nous avons marché et l'étoile, hein, telle étoile est avec nous. Et ça c'est ce que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah a mentionné dans son livre Al-Aqidatul Wasitiyya et aussi dans le livre Al-Fatwa Al-Hamawiyya et dans d'autres livres également, et il a expliqué et clarifié cet exemple-là. Donc ça c'est la preuve qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être au-dessus et d'être avec sa création en même temps. Et le troisième point de vue pour répondre à ça ou pour clarifier ça, c'est لو فرضنا الوجه الثالث لو فرضنا أو لو فرض أن بينهما تناقضا في حق المخلوق فإنه لا يلزم وجود في حق الخالق لأن الله ليس كمثله شيء فلا يقاس بخلقه فما كان ممتنعا في حق المخلوق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق الخالق وما كان ممتنعا في حق الخالق لا يلزم أن يكون ممتنعا في حق المخلوق ليس في الله أليس الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم والمخلوق تأخذه السنة والنوم وكذلك الإنسان لا يليق أن يوصف بالتكبر والله تعالى موصوف به وهو من كماله فالحاصل أنه لا يلزم مما يكون ممتنعا شرعا أو قدرا في حق المخلوق أن يكون ممتنعا في حق الخالق وبالعكس. Donc le Cheikh il dit, Troisième point, c'est qu'est-ce qu'on a dit à la, tout à l'heure, que si on suppose que c'est une contradiction pour les créatures d'être au-dessus, hein, et d'être avec en même temps, ça n'implique pas que ce soit une contradiction pour le Créateur d'être au-dessus de sa création et d'être avec la création en même temps, puisque rien ne ressemble à Allah et on ne peut pas faire d'analogie entre lui et sa création. Donc, si quelque chose est impossible en ce qui concerne les créatures, ça n'implique pas que cette chose-là soit impossible en ce qui concerne le Créateur. Hein? Et ce qui est impossible, ou ce qui n'est pas possible, ou ce qu'on ne peut pas dire à propos du Créateur, eh bien, ça n'implique pas que cette chose-là ne soit pas possible pour les créatures, ou qu'on ne puisse pas le dire à propos des créatures. N'est-ce pas que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas touché par la fatigue, il n'est pas touché par la somnolence, ni le sommeil. Pourtant, les créatures, elles, sont touchées par la fatigue, par la somnolence et par le sommeil. Donc le fait que lui, Allah, ne soit pas touché par ça, ça n'implique pas que les créatures ne puissent pas, hein, être touchées par ces choses. Et il dit de la même manière que on n'a pas le droit, ou pas plutôt, de la même manière qu'on il n'est pas approprié de dire ou de décrire une personne, ou de dire que, c'est-à-dire, c'est pas correct qu'on dise qu'une personne est orgueilleuse. C'est pas correct pour quelqu'un, un être humain, d'être orgueilleux. Toutefois, Allah, lui, ça fait partie de sa perfection. On dit qu'il est al-mutakabbir. Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-mutakabbir. Hein? Oui. Yani, al-takabbur, c'est l'orgueil. Hein? Et l'être humain, il n'a pas le droit d'être orgueilleux et de se dire orgueilleux. Et quand on décrit quelqu'un comme étant orgueilleux, c'est un défaut, c'est une imperfection, c'est un péché. Ça fait partie des kaba'ir, des grands péchés. Mais quand on dit d'Allah qu'il est al-mutakabbir, eh bien ça c'est le contraire. C'est une perfection par rapport à Allah. Oui, parce que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne parmi ses noms, هو الله الخالق البارئ أم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, il y a al-mutakabbir, celui qui est fier, celui qui est orgueilleux, mais lui, il a le droit, parce qu'il a tout ce qu'il faut pour mériter de l'être. Tandis que les créatures qui sont faibles, hein, et qui sont qui ont besoin et qui sont fragiles et pauvres, hein, de par leur nature, elles n'ont pas le droit d'être orgueilleuses. Donc le cheikh dit que, en résumé, on peut dire que le fait que quelque chose soit impossible, ou plutôt que quelque chose ne soit pas permis pour soit impossible ou permis ou interdit. Si quelque chose est impossible ou interdit pour une créature, ça ne veut pas dire que cette chose-là ne soit pas applicable, ou qu'on ne puisse pas le dire à propos du Créateur. Hein? Et au contraire même. Donc le cheikh, il explique ça de cette façon-là. Il dit ensuite que Allah, il est au-dessus de son trône et qu'il est avec ses créatures. Il connaît leur situation, il entend leurs paroles, il voit leurs actions, il contrôle et il gère leurs affaires, il donne la subsistance aux pauvres et il s'occupe de celui qui est opprimé. Et il donne le pouvoir à qui il veut, et il retire le pouvoir de qui il veut, il élève qui il veut et il rabaisse qui il veut. Et le bien est entre sa main, et il a le pouvoir sur toute chose. Le cheikh, il explique ça, il dit, هذه من مقتضيات المعية ومستلزماتها. Il dit tout ça fait partie des implications de ce que signifie le fait d'être avec, hein, le fait que Allah est avec sa créature. Tout ça, ces caractéristiques-là, font partie de ce qu'implique le fait que Allah soit avec sa création. D'accord ? Il dit wa thumma, il dit ensuite wa man kana hadha sha'nuhu kana ma'a khalqihi haqiqatan wa in kana fawqahum ala 'arshihi haqiqatan. Il dit celui qui était décrit comme étant ainsi avec sa création, celui qui était décrit comme étant ainsi, il est réellement donc avec sa création, même si il est au-dessus de sa création, au-dessus de son trône réellement. D'accord ? C'est-à-dire que quand Allah, le fait que Allah soit au-dessus de son trône, ça n'empêche pas Allah de savoir qu'est-ce qu'on fait, d'entendre qu'est-ce qu'on dit, de voir nos actions, de gérer nos affaires, de donner la subsistance, de donner le pouvoir à qui il veut, de le retirer à qui il veut, et ainsi de suite. Tout ce qu'il veut, il le fait, même s'il est au-dessus de son trône. Même que il y a des ulama qui ont clarifié, qui ont mentionné comme exemple, il dit des fois même, quelqu'un peut être dans son bureau, parmi les créatures, quelqu'un peut être dans son bureau et il a des caméras qui lui permettent de surveiller tout le monde. Le patron dans une compagnie, ou bien même dans quelqu'un qui est dans une prison par exemple, le surveillant, il est dans son bureau, il a tous les écrans devant lui et il surveille tout le bâtiment. Il n'a pas besoin de bouger, il surveille tout le bâtiment et il voit tout ce qui se passe en bas, partout, alors qu'il est assis dans son bureau, il n'a pas besoin d'aller vérifier lui-même ou de voir ça lui-même et d'être présent sur place. Même avec le cellulaire, exactement. Des fois même, je me rappelle, j'étais dans un autre pays, dans un autre continent, l'autre côté de l'Atlantique, et quand je voulais vérifier par exemple les caméras dans la mosquée pour voir si tout est correct, je me connecte aux caméras de la mosquée et je surveille, je peux voir qu'est-ce qui se passe alors que je suis là-bas. Non. Donc si c'est possible pour une créature de faire ça, c'est encore plus facile pour Allah, encore plus, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Naam. Le cheikh dit man kana hadha sha'nuhu kana ma'a khalqihi haqiqatan wa in kana fawqahum ala 'arshihi haqiqatan wa la mani' wa laysa fi hadha ay tanaqud wa la ay wasf la yaliq billahi idhi alladhi la yaliq billahi أن نفهم من المعية الاختلاط والحلول في المكان كما قالت الجهمية. ولهذا لما ظهر هذا القول المبتدع الضال صار السلف يقولون هو معنا بعلمه، ففسروا المعية بلازمها وهو العلم، ولا فسروا المعية بلازمها وهو العلم على أن لازم المعية ليس العلم فقط، كما صرح بذلك ابن كثير رحمه الله في التفسير، وصرح به ابن رجب أيضا رحمه الله في جامع العلوم والحكم، بل هو معنا بعلمه وسمعه وبصره وسلطانه وقدرته وربوبيته وغير ذلك من معاني الربوبية، لكن فسرها من فسرها من السلف بالعلم ردا على الجهمية الذين قالوا هو معنا بذاته في مكاننا. ولهذا في عبارة بعضهم وهو عبد الله بن المبارك قال ولا نقول كما يقول الجهمية إنه معنا هاهنا وأشار إلى الأرض، وهذا هو الذي حذره السلف وفسروها بالعلم، وهو تفسير ببعض اللوازم وليس باللوازم كلها، والقصد منه الرد على الجهمية الحلولية. Donc le cheikh il dit, et c'est pour cette raison que lorsque la avant ça il dit, puis il dit, c'est-à-dire le cheikh Ibn Uthaymeen, il dit, et celui qui est ainsi, hein, par conséquent, donc celui qui est ainsi, alors il est avec sa création réellement. Il est réellement avec sa création. Et il est réellement au-dessus de son trône, au-dessus de ses créatures. Et il n'y a rien qui empêche ça. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Hein? Et il n'y a aucune description ici qui ne convient pas à Allah ou qui ne pourrait pas être attribuée à Allah. Puisque ce qui ne convient pas à Allah, c'est plutôt de comprendre ou de comprendre ou de penser que lorsqu'on parle du fait que Allah est avec sa création, ça implique ou ça signifie un mélange ou qu'il y ait une fusion, hein, dans un lieu entre Allah et sa création. Comme le disent les Jahmiyyah, la secte des Jahmiyyah. Et parmi ceux qui suivent la voie des Jahmiyyah, certains extrémistes parmi les Soufiyah, hein, et les gens de ces tendances-là, comme les hindous et les bouddhistes, et certains chrétiens aussi. Et il dit, c'est pour ça que cette parole d'innovation, lorsqu'elle est apparue, ceux qui disent que Allah est avec nous, partout, et qu'il est dans toutes choses, lorsque cette parole des gens de Hulul est apparue, les salafs ont réfuté ça. Et les salafs ont dit, quand Allah dit « Il est avec nous », eux ils rajoutent en clarifiant et en disant « Il est avec nous par son savoir, par sa science ». Donc ils ont interprété l'accompagnement et le fait que Allah est avec nous, ils l'ont expliqué par la science. Mais le cheikh il dit que sauf que ce n'est pas uniquement la science qui fait que Allah est avec nous. Allah il n'est pas seulement avec nous par sa science. La science est une des implications de ce que signifie le fait que Allah est avec nous. Mais il y a beaucoup d'autres significations à cette implication-là. Et le cheikh, il mentionne l'exemple de la parole de l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, et aussi la parole de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali dans son livre Jami' al-Ulumi wal-Hikam. Il dit, hein, il explique que quand Allah on dit qu'il est avec nous, ça veut dire qu'il est avec nous par sa science, mais pas seulement par sa science, par son ouïe, par sa vue, par son pouvoir, par sa puissance, par sa souveraineté, sa seigneurie, et par toutes les autres significations de ce qu'implique la rububiyya, le fait qu'Allah soit le maître et le créateur et celui qui est au-dessus de tout et qui contrôle toutes choses. Tout ça, avec tout ça, Allah est avec nous. Et ils l'ont interprété, et les salafs l'ont interprété par la science, en disant qu'Allah est avec nous par sa science, pour réfuter les Jahmiyyah. Ceux qui prétendent qu'Allah est avec nous physiquement, ou qu'il est par son être avec nous dans tous les endroits et dans tous les lieux. Allah al-Musta'an, et en toutes les choses. Ça c'est la position des kuffars, des mushrikin et des gens de bid'a parmi les comme les Jahmiyyah. Et le cheikh dit walihada fi ibarati ba'dihim, donc ça, parmi les paroles des salaf, il y a la parole de Abdullah ibn al-Mubarak. Et Abdullah ibn al-Mubarak, c'est un des imams parmi les imams des salaf qui vivait à l'époque de l'imam Malik rahimahullah. On l'appelle Amir al-Mu'minin fil hadith. Hein? On l'appelait Abdullah ibn al-Mubarak, un des imams parmi les salafs, qui était vivant avant l'imam al-Bukhari, avant l'imam Ahmad. Hein? Et il disait, nous ne disons pas, comme disent les Jahmiyyah, que Allah est avec nous ici, c'est-à-dire sur terre. Parce que c'est ça ce que disaient les Jahmiyyah. وَهَذَا هُوَ الَّذِي حَذَّرَهُ السَّلَفِ C'est de ça que les salafs ont averti. Et ils ont expliqué l'accompagnement d'Allah et le fait qu'il est avec nous par la science d'Allah. Hein? وَهُوَ تَفْسِيرٌ بِبَعْدِ اللَّوَازِمِ Donc ça c'est une interprétation par certaines des implications de ce que signifie le fait d'être avec la création. Mais c'est pas toutes les implications. Il y a beaucoup d'autres implications aussi. La vue, l'ouïe, hein, et ainsi de suite. Mais le but c'était de réfuter les Jahmiyyah al-Hululiyyah, ceux qui croient que Allah est avec sa création, mélangé avec la création. Il dit كما أن بعض السلف قال هو مستوى على عرشه بذاته مع أن بذاته غير وارد لكن قال بذاته ردا على من قال إن الاستواء هو الاستيلاء فهو استواء معنوي لا ذاتي وكما عبر بعضهم بقوله ينزل إلى السماء الدنيا بذاته ردا على قول من يقول إن الذي ينزل أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته فيجب أن نعرف أن السلف قد يفسرون الشيء بالمعنى أي بلازمه حذرا من معنى باطل اتخذه الناس في ذلك الوقت Donc le cheikh il dit, de la même manière qu'on trouve dans les paroles de certains d'entre les salafs, lorsqu'ils disent Allah est élevé au-dessus de son trône par son être. Pourquoi ils disent par son être, alors que par son être n'est pas mentionné dans les textes? C'est pas mentionné dans le Coran ou dans les hadiths. Allahu ma'ana, par exemple, ils disent pas Allahu mustawin ala arshihi bidhatihi. Bidhatihi, ça s'est ajouté. Bidhatihi, ça se trouve pas dans le verset, ça se trouve pas dans le hadith. Mais pourquoi les salafs ont ajouté ça? C'est-à-dire par son être, Allah est au-dessus de son trône par son être et par sa personne. Pourquoi il rajoute par son être et par sa personne? C'est pour réfuter ceux qui prétendent que l'élévation d'Allah est symbolique et n'est pas réelle. Hein? Ou qu'ils prétendent que l'élévation d'Allah, ça veut dire le fait d'avoir conquis le trône. Ou quand on dit que Allah descend au dernier des cieux, au ciel de la dunya, les salafs ont rajouté par sa personne ou par son être pour réfuter ceux qui disent que c'est son commandement qui descend ou c'est sa miséricorde qui descend ou c'est un ange parmi les anges qui descend et non lui-même. Donc les salafs ont rajouté bidatihi pour réfuter les gens de bid'a de cette époque-là qui prétendaient que c'était pas Allah par sa personne qui descendait ou que c'était pas Allah par sa personne qui s'élevait au-dessus de son trône. Et pour réfuter et mettre en garde contre une signification qui est fausse que les gens de bid'a avaient à leur époque. Donc ils ont rajouté cette parole, bidatihi, hein, dans le but de réfuter les gens de bid'a sur cette question-là. Et il dit wa qawluhu ta'ala, donc ça c'est la suite, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Le verset 11 dans sourate ash-shura, Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'y a rien qui lui ressemble, il n'y a rien qui soit comparable à lui, et il est l'audient et le voyant. Et ça c'est pour indiquer, hein, le cheikh dit isharatan ila al-ma'iyya ma'a al-fawqiyya law quddira أنها ممتنعة في حق المخلوق فلا تكون ممتنعة في حق الخالق لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. Il dit, si on suppose que Allah, quand il mentionne dans ce verset que rien qui lui ressemble et qu'il est l'audient et le voyant, le cheikh il a cité ça après le fait d'avoir dit que Allah est au-dessus de sa création et qu'il est avec sa création réellement. Le fait de mentionner ça, c'est pour indiquer que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous malgré qu'il est au-dessus de sa création. Et si on suppose que pour une créature, ce n'est pas possible qu'elle soit en même temps au-dessus et en même temps avec, mais ça ne veut pas dire que ce soit impossible ou que non, qu'on ne puisse pas le dire à propos du Créateur, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. Et il n'est pas comparable aux créatures. Et ensuite, le Cheikh, il dit, « وَلَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْحُلُولِيَةِ مِنَ الْجَهْمِيَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ مَعَ خَلْقِهِ فِي الْأَرْضِ ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. Donc le cheikh il dit, et nous ne disons pas comme disent les gens de Hulul parmi les Jahmiyyah et autres, qu'il est avec sa création présent avec elle, mélangé avec elle sur terre, et nous considérons que celui qui dit cela est mécréant ou égaré, puisqu'il a décrit Allah par ce qui ne lui convient pas parmi les imperfections. Et il dit, le Cheikh Ibn Uthaymeen ici, il explique ça en disant, « قَوْلُهُ وَنَرَى وَقَوْلُهُ وَلَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْحُلُولِيَّةِ مِنَ الْجَهْمِيَةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ مَعَ خَلْقِهِ فِي الْأَرْضِ فَالْجَهْمِيَةُ يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ خَلْقِهِ حَالٌ فِي الْأَرْضِ. Donc les Jahmiyyah, ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous, avec sa création, mélangé avec sa création sur terre. Et les soufis, ils disent ça aussi. Ils disent, et nous considérons que celui qui dit ça, il est kafir ou dal. Kafirun in balagathu al-hujjah wa anna hadha mustahilun ala Allah wa annahu naqsun fi haqqihi أو ضال إن لم يكن كذلك. Donc le cheikh il dit, si quelqu'un par exemple il dit que Allah est mélangé avec sa création, il est soit kafir ou égaré. Et il explique pourquoi il dit ça. Il dit parce que il dit, si on a établi la preuve contre lui, on lui a montré les preuves, que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas mélangé avec sa création et qu'il est au-dessus de sa création, et qu'il continue à le dire malgré que la preuve lui a été clarifiée, dans ce cas-là, il est kafir. Toutefois, si on n'a pas établi la preuve contre lui, dans ce cas-là, c'est un égaré. Mais on ne va pas le déclarer kafir tant que la preuve n'a pas été établie contre lui. Pourquoi ? Parce que cette chose est impossible. On ne peut pas décrire Allah par cette chose-là, puisque c'est impossible de décrire Allah par une imperfection. Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucune imperfection. Donc comment on peut décrire Allah par une imperfection? Celui qui décrit Allah par une imperfection, il est kafir. Et ça, c'est la personne qui le dit. Mais s'il est ignorant, par exemple, s'il est ignorant, ou il a dit ça parce qu'il a entendu quelqu'un dire ça, il pensait que c'était correct, alors dans ce cas-là, on doit établir la preuve contre lui que ce qu'il dit est faux. Si on lui établit la preuve, on lui montre les versets et les hadiths, et on lui explique les paroles des salaf là-dessus, et qu'il persiste à vouloir continuer à dire que Allah est mélangé avec sa création et qu'il est partout, alors dans ce cas-là, on va dire qu'il est kafir, parce que la preuve a été établie contre lui. Mais sinon, on va dire de lui que c'est un égaré quand même. Si on n'a pas établi la preuve contre lui, mais celui qui dit ça, on va dire que c'est un égaré. Il dit « wa ala kulli hal ». Donc c'est ça que les ulama, des fois vous avez des soufis, ils posent la question, parce qu'il y a une question qui avait été posée à Cheikh Mohamed Aman al-Jami à ce sujet-là. Les gens de Hulul et parmi les soufis, est-ce qu'ils sont des koufars? Oui, si on a établi la preuve contre eux, ils sont des koufars. Les soufis roulates parmi les soufis qui croient en Wahdatul Wujud et qui croient en Al-Hulul, que Allah est mélangé avec sa création et que tout est Allah et que Allah est tout et qu'il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature et que l'homme peut devenir un avec Allah, ça c'est des paroles de kufr. Celui qui croit en ça, il est kafir. D'accord ? Donc ces soufis, à la sonne des koufars. Si on a établi la preuve contre eux, c'est des kuffars. Et est-ce qu'il y a une forme de, ou bien une catégorie de soufis qui ne sont pas des kuffars? Oui, il y en a peut-être parmi les soufis qui ne croient pas en ça, en al-hulul ou en wahdatul wujud. Peut-être que certains d'entre eux, parmi les individus, ils ne croient pas nécessairement en ça. Toutefois, c'est des égarés quand même. C'est des égarés quand même parce qu'ils ont d'autres bid'ahs. Et il n'y a pas de soufi, excepté qu'il est sur une bid'ah. Hein? Soit qu'il est sur une bid'ah qui est kufr majeur ou shirk majeur, dans ce cas-là, il sort de l'islam une fois qu'on a établi la preuve contre lui, ou qu'il est dans une forme de bid'ah qui n'est pas dans une forme de kufr ou de shirk majeur, mais c'est une bid'ah quand même. C'est une bid'ah quand même et c'est un égarement. Et donc, il n'y a pas de soufi qui est sur la sunna ou qui est déclaré comme étant sunni ou salafi. C'est pas possible. Un soufi ne peut pas être salafi. Un soufi ne peut pas être sunni non plus. Un soufi est obligatoirement un mubtadi'. Ou bien c'est un ignorant, ou bien c'est un mubtadi', ou bien c'est un égaré, ou bien c'est un kafir. Hein? S'il a une croyance qui est kufr ou shirk, et que ça arrive à un degré de kufr et de shirk majeur, dans ce cas-là, oui. Et qu'on a établi la preuve contre lui, dans ce cas-là, oui. On va dire que ça atteint le shirk, le kufr majeur, donc cette personne, elle a quitté l'islam à cause de ces croyances-là. Comme le fait de croire que Allah est partout, ou Allah est dans tout, et que Allah est mélangé avec sa créature. Ou bien de croire que tout est Allah et que Allah est tout, comme certains d'entre eux qui croient en wahdatul wujud. Ou bien de croire que le cheikh soufi connaît le ghaib. Hein? Ceux qui croient que le cheikh soufi connaît le ghaib, ça c'est kufr aussi. Oui, il y en a, mais c'est pas que les. C'est-à-dire, c'est pas tous les Sénégalais. Il y a des Sénégalais qui sont pas soufis. Alhamdulillah, il y a des Sénégalais. Voilà, c'est ça. Il y a parmi les Sénégalais qui sont sur la sunna et qui sont salafis, il y en a d'autres qui sont soufis. Et parmi les soufis, il y en a qui sont parmi les croyances d'extrémisme, hein, des soufis extrémistes. Et il y en a d'autres qui sont juste dans les bid'ahs, qui n'atteignent pas nécessairement ce degré-là. Donc il y a des degrés. On ne peut pas généraliser une population entière. Et parmi eux, il y en a beaucoup qui font ces choses-là ou qui ont ces idées-là par ignorance. C'est-à-dire, on leur a jamais enseigné la vérité à propos de la sunna. Et une fois, ça m'a fait rire parce que j'ai rencontré justement un soufi comme ça, qui venait du Sénégal, mais les soufis, il y en a dans tous les pays, hein, même dans les pays arabes, il y a des soufis, donc il y en a qui ont ces croyances-là aussi, même dans les pays arabes et dans les pays non-arabes aussi. Ah non, c'est ça. Ça, en général, comme tu dis, les soufis, ils se cachent devant les autres musulmans. Ils n'exposent pas leur bid'ah ouvertement. Mais dans d'autres pays, c'est tellement propagé ou tellement établi qu'ils arrivent à faire leurs choses en public et à pratiquer leurs égarements publiquement. Donc les gens, ils pensent que ça, c'est correct. Hein? Il y a des gens qui ne savent même pas que ça, c'est de l'égarement parce qu'ils sont très ignorant. Et je me rappelle que j'en ai rencontré un une fois qui disait nous on connaît des hadiths que les Arabes ne connaissent pas. Hein? Il dit nous on connaît des hadiths que les Arabes ne connaissent pas, on connaît mieux l'islam que eux. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Les hadiths qui sont maudour et qui sont daïf, les hadiths faibles, des hadiths fabriqués, ils pensent que c'est juste eux qui les connaissent. Dans le sens qu'ils pensent que ces hadiths-là, c'est des hadiths que les autres musulmans des autres pays ne connaissent pas. Donc eux, ils pensent qu'ils sont privilégiés du fait qu'ils connaissent ces hadiths-là et qu'ils les suivent ou qu'ils les appliquent. Alors qu'ils ne réalisent pas qu'en fait, on les connaît ces hadiths-là. Hein? C'est-à-dire les ulama, ils savent que ces hadiths-là existent, mais ils savent que ces hadiths-là sont fabriqués, sont faux. C'est pas des hadiths authentiques, c'est pas des hadiths qu'on doit prendre, puisque c'est des hadiths qui sont faux, qui sont inventés, qui sont fabriqués. Hein, c'est des mensonges qui ont été attribués au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le fait que beaucoup d'entre eux ignorent la science du hadith, ils n'ont pas étudié Mustalah al-Hadith, connaissent pas la science du hadith. Alors ils prennent des hadiths, même si c'est des hadiths faibles, ils les prennent. Même si c'est des hadiths fabriqués, ils les prennent. Et ils disent, nous on connaît des hadiths que personne ne connaît, juste nous. Hein? Non, on les connaît ces hadiths-là, mais c'est des hadiths batila. C'est des hadiths qui sont faux, rejetés par les ulama de hadith, par les imams de la sunna. Donc, il est important de leur faire comprendre ces choses-là. Puis après, le cheikh, il dit, « فَعَلَى كُلِّ حَالِ هذا القول مفروض لكن قائله إما أن يكون كافرا وإما يكون ضالا حسب ما تقتضيه حاله لأنه وصف الله بما لا يليق به من النقائص. Donc le cheikh il dit, et de toute façon on peut dire que cette parole si quelqu'un il dit que Allah est mélangé avec sa création, eh bien la personne qui dit ça, soit qu'il est mécréant ou soit que c'est un égaré, ignorant, il ne sait pas qu'est-ce qu'il dit selon la situation et selon le cas, parce qu'il a décrit Allah par des imperfections, et bien entendu d'attribuer à Allah des imperfections, ça ne c'est pas quelque chose qui est convenable. ثم اعلم ان مقتضى المعيه عام وخاص فاذا كان المقصود بذلك بيان احاطه الله سبحانه وتعالى بالخلق فهي معيه عامه كقوله تبارك وتعالى وهو معكم اينما كنتم وكقوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. Donc, je crois qu'on va s'arrêter ici pour expliquer ce point-là la prochaine fois, inshallah, bi-idhnillah. Donc, on s'arrête là. Donc on a terminé inshallah ici. On va continuer la suite au prochain cours inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va prendre une pause et après on va avant le Maghreb, on va commencer le cours de Iqtida Sirat al-Mustaqim, Khalafatu Ashab al-Jahim, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik, Inch'Allah, la ilaha illa anta astaghfiruka.